The Gizma. Yo, bring it on. Quelle est l'école au Japon? Quelle est l'école à Paris? Quelle est l'école à Honolulu? Quelle est l'école à Trois-Rivières? Quelle est l'école Chris en Canterneuve? Quelle est l'école Chris en Canterneuve? Quelle est l'école Chris en Canterneuve? Quelle est l'école au Québec? Quelle est l'école au Parc Lamoricie? Quelle est l'école au Plage des Sports? Quelle est l'école à Montréal? Déguisement de Montréal! Déguisement! Man et mort, c'est un fucking bon jeu de mots pour un band de Terre-Neuve! Tu fais un show hommage à Syd Barrett. Fais attention à l'acide, Kelly Nicole. Fais attention à l'acide, fais attention à la cocaïne. Fais attention, Kelly Nicole. On écoutera Piper at the Gate of Dawn. On va aller faire un pèlerinage sur la tombe de Syd Barrett. Sur la cible. Fais attention aux batteries. Man est mort, j'aime bien ça. Man est mort, c'est vraiment un bon jeu de mots. C'est comme man, comme homme, animal, tu sais, l'homme est un animal, tu sais, c'est ça que ça veut dire. Terre-Neuve.